Les grands feuilletons de France Culture. Le mystérieux docteur Cornelius. Dixième épisode, les bandits du quartier chinois. Ainsi donc, le sinistre trio des lords de la main rouge a presque réussi à prendre la tête du trust de William Dorgan. Les lords contrôlent maintenant la totalité de la production de coton et de maïs des États-Unis. Ils séquestrent le professeur Bondona à l'île des Pendus et l'obligent sous la menace à faire des découvertes qui augmenteront encore leur puissance. Enfin, ils viennent de faire prisonnier leur buritan et peuvent en attendre une rançon considérable. Rien ne les arrêtera-t-il donc dans leur plan machiavélique de domination du monde? Personne ne reconnaîtra-t-il donc Baruch sous le masque de Joey Dorgan? Continueront-ils leur ascension en toute impunité? Au moment où nous les avons laissés, ils quittaient l'île des Pendus pour regagner New York, où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais qui est ce quinquagénaire élégant qui remonte d'un pas si décidé la 5e avenue? Non, ce n'est pas possible. Serait-ce? Mais si! Quel hasard extraordinaire! C'est un véritable feuilleton que cette histoire. Faisons semblant de tout ignorer. Excusez mon indiscrétion, monsieur, mais ne seriez-vous pas Agénor Marmousier, le poète? Oui. Oui, c'est moi, vous ne vous trompez pas. Oh, mais... Oh, j'avais cru comprendre que vous étiez mort noyé au moment du naufrage du paquebot Ville de Frisco où votre ami Lord Buridan... Oui, pauvre Lord Buridan. Je ne me consolerai jamais de sa mort. C'est à cause de moi qu'il s'est noyé. Mais comment avez-vous fait, vous, pour survivre à ce naufrage? Oh, moi, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à m'agripper à l'un des cercueils de Chinois que transportait le Ville de Frisco. Et j'ai été recueilli au bout de quelques jours par un navire qui passait par là. Voilà. Ils m'ont ramené à San Francisco, d'où j'ai pu gagner New York. En fait, il y a longtemps que je serais reparti pour la France si Fred Yorgel n'avait pas insisté pour me retenir. Fred Yorgel? Le milliardaire? Mais oui. Je ne comprends rien. Vous connaissiez donc Fred Yorgel? Non, mais pas du tout. Pas du tout, mais la veille de mon embarquement pour la France, j'ai trouvé un portefeuille par terre sur les quais de Brooklyn. Il était bourré de billets de $1,000. En regardant les papiers, j'ai vu qu'il appartenait à un dénommé Fred Yorgel et je l'ai rapporté à l'adresse indiquée. Alors, Fred Yorgel m'a invité à dîner et le soir même, il m'a proposé de devenir son secrétaire particulier. Voici comment, depuis, je vis entre Fred Yorgel et son futur gendre. Son futur gendre? Oui. Mais je ne comprends pas. Miss Isidora serait-elle fiancée? Enfin, mais d'où sortez-vous? Vous ne lisez donc jamais les journaux? Ça fait une semaine que la presse ne parle que du prochain mariage de Miss Isidora avec l'ingénieur Harry Dorgan. Ah, bon. Harry Dorgan. Oui. Ah, le vieux William Dorgan a enfin fini par accepter ce mariage. Oh, mais décidément, vous n'êtes au courant de rien. William Dorgan a chassé son fils, et celui-ci, depuis, est devenu le bras droit de Fred Yorgel dans sa nouvelle affaire. Sa nouvelle affaire? Et quelle nouvelle affaire? Eh ben, la compagnie des paquebots éclairs. Ça vous dit quand même quelque chose, la compagnie des paquebots éclairs, non? Non, excusez-moi, je suis arrivé. Fred Yorgel m'attend pour notre partie d'échecs dans les jardins du Grizzly Club. Les jardins? Mais il n'y a que des gratte-ciels ici. Non, ça n'est pas possible. Vous débarquez de la planète Mars, vous. Les jardins du Grizzly Club sont célèbres dans tout New York. Ils sont installés là-haut, vous voyez? Au 60e étage, sur la terrasse de ce gratte-ciel. Excusez-moi, il faut vraiment que je vous quitte. Bonsoir. Bonsoir. Sœur, oui. Vous allez perdre votre cavalier si vous déplacez ce pion. Ah, ah, ah ben tiens, vous avez raison. Je vais plutôt jouer ce fou. Oh. Mais que se passe-t-il là-bas? Barman! Yes, sir. Pourquoi cette agitation tout d'un coup? C'est la dernière édition du New York Times qui vient d'arriver, sir. Les chevaliers du chloroforme ont encore frappé. Encore? C'est la troisième fois en un mois. Apportez-moi un exemplaire, s'il vous plaît. Tout de suite, sir. Le voici. Tenez, lisez, Agena. Un assassinat vient d'être commis sur la personne de l'honorable Mrs. Grifton, directrice d'une family house de la 30e avenue. Tiens, non. Mrs. Grifton a été découverte étendue sur son lit, le visage couvert d'un masque de caoutchouc. De caoutchouc. Oui. L'écœurante odeur de chloroforme qui régnait dans la pièce ne laisse subsister aucun doute sur la façon dont le crime a été commis. Le célèbre docteur Cornelius Cramm, dont la demeure se trouve à proximité, n'a pu que constater le décès. C'est étrange. Lisez la suite. Oui. Nos lecteurs se souviennent que c'est dans cet établissement qu'a eu lieu l'arrestation du célèbre assassin Baruch Jorgel, qui, pense-t-on, a longtemps appartenu à l'association de la Main Rouge. Il pourrait donc s'agir d'une vengeance de la redoutable société secrète. J'entendrai dans toute ma vie parler de ce fils indigne. C'est tout ? C'est tout, sœur. Si nous reprenions notre partie ? Non, ingénieur, non. Je n'ai plus guère l'esprit disponible. Mais quelle heure est-il ? Minuit passé, sœur. Eh bien, si nous rentrions... J'appelle votre chauffeur, sœur. Ma foi, jeuneur, il fait si beau ce soir que je préfère rentrer à pied. Mais vous pouvez disposer de la voiture, vous savez, si vous préférez rentrer tout de suite. Non, absolument pas, je vous accompagne. Sœur, J'ai l'impression que nous sommes suivis. Ce n'est pas impossible, j'en ai l'habitude. Des espions à la solde de mes concurrents. Ou des policiers. Je donne suffisamment de dollars à la police pour qu'elle me protège. Mais vous n'avez pas peur des attaques nocturnes ? On dit qu'elles sont très fréquentes dans les rues de New York. J'en faites pas pour cela, ingénieur. D'ailleurs, regardez. J'ai un Browning. Ah. Demandez la 15e édition du Night ! Demandez la 15e édition du Night ! Nouveau détail sur l'assassinat de Mistress Griffith. Jeune homme, par ici. Tiens. Curieux marchand de journaux, nous sommes seuls dans cette rue, c'est même pas arrêté à notre appel. Non mais attendez-moi, sœur, je vais le rattraper. Il a pris par cette rue. Oh, bigre, il fait sombre. Mais il a disparu. Cet Hercule barbu. Il fait signe. Oh, tu l'as eu, Paolo ? En plein cœur, monsieur Slug. Très bien. À l'autre maintenant. Oui. Ça fait un quart d'heure que je n'aurai parti. Quelle idée aussi d'avoir voulu rentrer à pied. Voyons, il a pris par cette rue. Personne. Continuons. Ça pue le opium. Je dois être dans le quartier chinois. Et aucune trace d'Agena. Bon, il a dû rentrer. Essayons de revenir sur nos pas. C'est un vrai labyrinthe ici. Et quelle obscurité. Là, je suis complètement désorienté. Hop, par exemple, on me suit. Ouh là là là. Ce barbu est un véritable Hercule. Il doit suivre le même chemin que moi. Continuons. Je voudrais bien continuer, mais cette rue est une impasse. Alors, demi-tour. Oh ! Deux. Maintenant, ils sont deux. Mais ils ont des couteaux. Ah, cette fois-ci, je suis pris comme dans une souricière. Face la tienne. Ils vont voir à qui ils ont affaire, mon Browning. Et au premier de ces messieurs. Oh, ma jambe ! Trop bas, dommage. Oh, tiens ! À l'autre, maintenant. Où est-il? Mais où est-il? Mais où est-il? Mais que je peux... Hé, hey, plutôt lâche, c'est même... Oh, je le tiens! Tu l'as! C'est l'ordre des lards! Vive la main rouge! Oh non! Ils ne mourront pas comme ça! Il a bien failli me planter son poignard dans le cœur. Heureusement que mon portefeuille a arrêté la lame. Mais tu le donnes, Paolo. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi, bon Dieu, les flics vont finir par arriver. Et moi qui ne peux pas bouger avec ma jambe cassée. Mais c'est... Mais c'est qu'il est costaud, monsieur Slug. Et... Eh bien, sœur, comment vous sentez-vous? Oh, mieux, bien mieux, bien mieux. Jeune homme, vous m'avez sauvé la vie. Vous êtes blessé, vous saignez. Oh, bon, ce bandit m'a un peu entamé le cou avec son petit poignard. Il y a une pharmacie ouverte toute la nuit près d'ici. Vous voulez que je vous y conduise? Eh bien, je pense que ce serait plus prudent. Non! Mais d'abord, permettez, il faut que je m'occupe de ce monsieur Slug. Non. Qui semble être le chef de la bande. Non, non, non! Voilà, c'est fait, nous pouvons y aller. Vous désirez, monsieur? Eh bien, si vous pouviez regarder mon cou, docteur, j'ai reçu un petit coup de couteau. Oui, montrez-moi ça. Ah, oui, je vois. Non, ce n'est qu'une petite éraflure. Tenez, asseyez-vous ici. Avec joie. Voilà. Alors, attendez, un peu de désinfectant. Oui. Non, ça ne sert à rien. Voilà, un petit pansement. Et puis voilà. Dans deux jours, ce sera terminé. On peut dire que vous avez eu plus de chance que le blessé que la police m'a amené tout à l'heure. Un blessé? Non, c'est que j'étais justement à la recherche d'un ami. Et il s'était éloigné. Et peut-être que je pourrais le voir, votre blessé? Ah, mais certainement, sœur. Suivez-moi. Agénor! Mais il est mort. Non, rassurez-vous, non, il n'est pas mort. Non, mais il est très grièvement atteint. Il a pas pris connaissance depuis qu'il est ici. Vous pensez qu'il en échappera, docteur? Oh, je ne peux pas encore faire de pronostic, mais enfin, le seul élément favorable, ça, est que le cœur n'a pas été touché. Écoutez, docteur, écoutez. Je suis Fred Jorg, le milliardaire. Ah. Ce monsieur est un de mes amis. Alors sauvez-le et je vous récompenserai royalement. Oh, mais j'aurais fait de toute façon ce qui est en mon pouvoir. Voilà ma carte. Oui. Dès que son état le permettra, faites le transporter chez moi. Voilà. Ah, j'oubliais. Oui. On a compte sur vos honoraires. Oh. Et où est passé mon jeune sauveur? Je suis ici, monsieur. Hein? Je me suis permis de vous appeler un taxi. Mais tu as très bien fait. Allez, viens, je t'invite à souper. Après toutes ces émotions, ça nous fera du bien. Au Dalmonico, chauffeur. Sache, mon jeune ami, que j'ai le mépris le plus total de ce que les gens peuvent bien penser de moi. Cette table me paraît parfaite. Assieds-toi. Mais au fait, comment t'appelles-tu ? Oscar Tournesol, monsieur. Oscar Tournesol ? Tu es français ? Ouais, parisien même. Et quel est ton métier ? Je suis sur ordre boutique. Mais il n'y a aucune raison d'en avoir honte. Moi qui te parle, eh ben quand j'avais ton âge, je cirais les souliers des badelots sur les quais de San Francisco. Ça m'a pas empêché de devenir milliardaire. Milliardaire ? Comme je te le dis. Voyons le menu. Bon. Alors, qu'est-ce que tu dirais pour commencer de 3 douzaines de cancale oyster ? Ouais. Ensuite, une salade d'homard avec des cœurs de céleri. Un poulet du Kentucky sauce trust. Et comme tu es français, des escargots de France. À la vanille et au sucre. Ça te va ? Vous parlez, en plus j'ai une de ces dents. Une dent ? Bah ça c'est une expression française pour dire qu'on a très faim. Et ben moi aussi j'ai une dent. Ah non, pas une dent, la dent. Que faisais-tu donc avant de venir en Amérique ? Ben, je vous l'ai dit, je suis né à Paris. Mmh. Mon père était un pauvre ouvrier ébéniste du Faubourg Saint-Antoine. Il est mort, ma mère aussi, quand j'avais 5 ans. Mmh. Ah, il est fameux, ce poulet. Hein. Qui s'est occupé de toi ? Ben, personne. Je pensais les voisins, ils voulaient me mettre à l'assistance publique. Ben, moi, quand j'ai entendu ça, ben... Pardon ? Moi, quand j'ai entendu ça, ah, oui. Ben, je me suis enfui. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. Mmh. Je vivais dans la rue en faisant des petits métiers. Enfin, les métiers de tous ceux qui n'en sont pas, quoi. Non, je comprends assez mal, mais je suppose que tu étais camelot. Ouais, c'est ça, ouais. Je peux avoir une goutte de vin encore. Oh, bien entendu. Merci. Ah, c'était pas facile, hein. D'abord, les gens qui se moquaient de moi à cause de ma bosse et de mes cheveux jaunes. Et puis... Évidemment, ça t'a donné l'idée de venir chercher fortune en Amérique. Oh, bah attendez, c'est pas fini. Je peux reprendre un peu de poulet encore ? Mais bien sûr. Où est-ce que j'en étais ? Bah ouais, je dormais sous les ponts, sous les portes cochères. C'était sous une porte cochère qu'on m'a retrouvé un matin, moitié mort de froid. Heureusement, le propriétaire de la maison, un grand savant, a eu pitié de moi. Il m'a soigné, il m'a donné à manger, puis après il m'a gardé chez lui. Et quel était le nom de ce généreux savant ? Gaston de Maubreuil. Gaston de Maubreuil. Pourquoi, vous le connaissez ? Donc continue, je t'en prie. Oh là, j'étais heureux avec monsieur de Maubreuil. Puis avec mademoiselle André, sa fille. Oui. Là, jusqu'au jour où l'Américain est arrivé. Il s'appelait Baruch. Je connais cette histoire. Tous les journaux en ont parlé. Mais qu'es-tu devenu après la mort de ton protecteur ? Bah, je suis allé habiter avec mademoiselle André, chez un vieil ami de monsieur de Maubreuil, monsieur Bondonna. Le célèbre naturaliste ? Exactement. On va vous parler d'une guigne. Mon second protecteur a eu presque le même sort que le premier. Il a été assassiné, lui aussi ? Non. Il était enlevé. Ah. Ils sont curieux, ces escargots. Là, c'était dans tous les journaux. J'étais avec lui quand ça s'est passé. J'ai même reçu un coup de crosse de revolver sur la tête. Ils sont vraiment curieux, ces escargots. Mais serre-toi encore, si tu veux. Non, merci, sans façon. Où j'en étais ? Je sais plus, tu parlais des escargots. Non. Eh bien, les hommes qui ont enlevé M. Bondonna, j'ai eu le temps de les entendre parler. Et je suis sûr que c'était des Américains. C'est pour ça que je suis venu en Amérique. Pour essayer de retrouver M. Bondona. Et tu as découvert quelque chose ? Rien du tout. Mon petit, sais-tu qui je suis ? Bah non, vous ne me l'avez pas encore dit. Je suis Fred Gurgle, le milliardaire. Le père de Baruch ? Oui, le père de ce misérable. Il fallait que je te le dise. Mais qu'il n'en soit plus jamais question. Tu m'attends ? Plus jamais. Bon. Eh bien, parlons de toi maintenant. Tu m'as sauvé la vie et depuis tu as l'air d'un garçon énergique et honnête. C'est une double raison pour que je m'intéresse à toi. Mais il fait tard. Si on partait. Hein ? Voici ce que je te propose, Oscar. Tiens, prends déjà ce billet de $500. Si. Demain, tu t'habilleras un peu plus convenablement et tu te présenteras au bureau de la compagnie de navigation que je possède. Voilà l'adresse. Merci. On te donnera un emploi bien rémunéré en attendant que j'ai trouvé mieux. Ça te convient ? Bah, vous parlez. Bon. En attendant, je vais te déposer dans un des hôtels que je possède à New York. Chauffeur, au Preston Hotel. Oh ! Bah, la grosse voiture noire qu'on vient de croiser. On dirait que c'est l'homme qui m'a blessé au moment de l'enlèvement de M. Bondona. Chauffeur, vite, vite, demi-tour. Suivez cette grosse voiture noire. Oh, elle a disparu. Et puis ce taxi qui roule pas assez vite. Enfin, après tout, je me suis peut-être trompé. Mais... Qu'est-ce qu'on fait, sœur ? On continue ? Moi, je la vois plus, la voiture noire. Vaut mieux laisser tomber. Au Preston Hotel ! Mais je te promets, Oscar, que je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour t'aider à retrouver M. Bondona. C'est vrai ? Je n'ai qu'une parole. Ah bah ça alors ? C'est Mademoiselle André et Mademoiselle Frédérique qui vont être contentes quand je vais leur annoncer ça. Alors je me demande d'ailleurs si je vais pas leur demander de venir avec M. Pagano et M. Ravenel. Avec nous tous, ce sera sûrement plus facile. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très bonne idée. Et tu pourras leur dire que je mettrai tous mes moyens à leur disposition. Alors, où nous emmènes-tu maintenant, Oscar ? Au Preston Hotel, Mademoiselle André. Vous allez voir, c'est un hôtel très bien, très luxueux. Un gratte-ciel, j'espère ? Ouais, un vrai gratte-ciel, Mademoiselle Frédérique. Vous allez voir. Oh, je suis content de vous revoir. Ah, ouais, nous aussi, Oscar. J'ai l'impression de vivre un rêve, vous voir à New York. Et tu as appris quelque chose de plus ? Bah non, Monsieur Pagano, rien de plus que ce que je vous ai raconté. Et l'automobile noire, l'as-tu revu ? Bah, je l'ai pas revu non plus, Monsieur Ravenel. Mais venez, le taxi nous attend. Allez, allons. Bon, allons. Cet hôtel a beau être luxueux, je m'y sens mal à l'aise. Dis, André, tu veux bien que nous partagions la même chambre ? J'aurais vraiment trop peur de dormir toute seule. J'allais te proposer la même chose. C'est pas... Ah, mais regardez ! Mais qu'est-ce que c'est que ce grand cadran lumineux au-dessus de la cheminée ? Bah, ça, c'est pour le service. Vous pouvez commander ce que vous voulez en manœuvrant l'aiguille. Cigare, brosse, eau chaude, eau froide. Café, chocolat, thé, masseur, médecin. Sage-femme. Poulet, gigot, déjeuner, pantoufle. Dîner. Ah bah si on dînait. Eh ben essayons. Oui. Attendez. Je mets l'aiguille sur dîner. Voilà. Déjà ? Entrez ! Votre dîner, ladies and gentlemen. Bon appétit. Merci. Faut bien avouer, mon cher Oscar, que depuis une semaine que nous sommes ici, nous n'avons guère progressé. Oh, il faut pas vous décourager, Mademoiselle André. Oscar a raison. Mais alors, que pouvons-nous faire ? Je ne vois qu'une solution. Laquelle ? Dis-nous, Oscar. Il faudrait aller au Lunatic Asylum de Greenaway pour voir Baruch. Ah non, jamais ! Je ne veux jamais revoir ce misérable. Mais réfléchissez, mademoiselle André. C'est aussi bien que moi que l'arrestation et la condamnation de Baruch ont été entourées de mystères. Il y a quelque chose de bizarre là-dessous. Et puis je suis sûr qu'il y a un rapport entre l'assassinat de votre père et la disparition de M. Bondonnard. Oui, Oscar a raison. Tu devrais essayer de surmonter ta répugnance, André. Oh. Et puis je suis sûr aussi que Baruch, aussi fou qu'il soit, il pourra nous fournir des renseignements. Oui, Oscar a raison. On pourra peut-être avoir le commencement d'une piste. N'es-tu pas aussi de cet avis, Ravenel? Ah oui, oui, absolument. Oui. Eh bien, nous irons là-bas dès demain. À votre avis, la main rouge laissera-t-elle les Français rendre visite au faux Baruch Jorgel? André de Maubreuil reconnaîtra-t-elle dans le malheureux dément du lunatique asylum l'assassin de son père? Vous le saurez en continuant d'écouter notre grand feuilleton d'aventure, d'énigmes et de suspense, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le chevalier du chloroforme. C'était Le mystérieux docteur Cornelius, un feuilleton d'Edith Lauria, d'après le roman de Gustave Le Rouge. 10e épisode, Les bandits du quartier chinois. Avec Pierre Pernet, Julien Guillemard, Marc de Géorgie, Jean Saudret, William Corinne, Jacques Bretonnière, Maya Simon, Catherine Laborde, Pierre Constant, Gilles Guillot et Jean Martin. Musique du générique Jean Vienner, bruitage Louis Matabon, chef opérateur du son Bernard Charon, collaboration technique Noélie Louis-Marie, assistante Brigitte Bouvier, réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 6 janvier 1978. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.